choses à faire. Tout bagage est facile, la vie a été belle, mais nous pas de gens connaît, et ça t'a pas arrivé. Génération a changé, mais mon yo, pas chambillé. La vie, l'insouciance, c'est ça t'a mené. Mais le temps les courir, si pas qu'elle est la sauver. Expérience la vie, pas nos maturités. Mais dans la main, nous voulons continuer. Travail commencer, nous même les frères Scorpio. Mais cependant, nous t'avons remercié, famille nous. À tous les amis qui t'es toujours qu'aimé. se pas.